amis. Salut Charline. Alors on reçoit Julie Depardieu. Ah, super. Ah, j'adore, elle est perchée. Ouais. Ça, à force d'écouter du Philippe Catherine, ça devait arriver. Ah, non, mais hein. C'est peut-être Philippe Catherine qui écrit ses chansons à force de la fréquenter. Oui, peut-être. Et elle vient pour une pièce ou un film Non, pour la maladie. Sans la tuce, c'est un psoriasis persistant, une grippe intestinale. Mais non, enfin. Elle vient pour la Fondation pour la Recherche Médicale. Bien sûr. C'est la représentante. Ah, ouais, elle n'est pas malade. Non, c'est comme l'abbé Pierre, il représentait Emmaüs, mais c'est pas pour autant qu'il s'habillait là-bas. C'est pas un bon exemple. Bon, allez, on trouve des sujets. Il y a un gros dossier dans Télérama. Oui, le fait que les artistes délaissent la gauche. Oh, c'est bien ça, oui. Je suis choqué. Pourquoi ? Patrick Bruel délaisse la gauche. Mais non, il parle des artistes. Et comme c'est Télérama qui juge. Ils aiment pas Patrick Bruel. Moins qu'Abaskia Rostami. Pourquoi il chante mieux ? Non, c'est un réalisateur iranien. Ça va, on a un sujet. Ah, Patrick Bruel ? Non, les artistes et la gauche. Eh ben, ça colle bien avec l'invité en plus. Ah bon, elle est de gauche ? Et je sais pas, mais en tout cas, comme elle vient pour les maladies. Je comprends pas. La valsite, par exemple, c'est un fléau dangereux. C'est quoi ? C'est quand t'aimes plus la gauche à cause d'Emmanuel Valls. C'est douloureux. Attention. Alors là, je crois que je suis touchée. Ça se soigne ? Oui, t'inquiète pas, il faut prendre de la mélancholine. Par contre, c'est en suppositoire. Ouais. Mal au cul, quoi. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui prend les auditeurs en otage, en bloquant l'actualité. Et voici les trois informations qui seront le fait d'une minorité jusqu'à 18h. C'est la fin d'une grande histoire d'amour, celle qui unissait les artistes français et la gauche. L'appel de Calais en faveur des réfugiés marque la rupture. Mais quand on remonte à Jospin, les artistes ont été contraints de voter Chirac au second tour et ce ne fut pas de gaieté de cœur, rappelez-vous. Et où t'es Chirac ? C'est horrible. Et oui, le retour des anarchistes est illustré dans la presse uniquement par les casseurs. La disparition de Ciné nous a pourtant rappelé qu'il existe aussi un anarchisme populaire dans la pure tradition française, la contestation joyeuse de l'autorité. Il y en a marre, hein, mais marre. Hein. C'est pas compliqué parce que là, il y a un moment donné où, si vous voulez, c'est plus possible. Hein. On atteint des limites et là, à un moment donné, on dit stop. Contre la société consumériste, un créateur lance la robe sac poubelle. Alors, quand Chanel va s'y mettre, je pense qu'on va rigoler. Oh, c'est du plastique. Je veux sentir le plastique. N'essayez pas de me rouler. Hein. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui trouve tout très joli du moment qu'il y a trois trous pour passer la tête et les bras. C'est Alex Vizorek. Vous jugez mes tenues maintenant, vous. Bonjour, Charlotte Vanhoenacker. Autour de la table, une belle équipe très féminine. D'ailleurs, aujourd'hui, 17h20, celle qui connaît plus de musiciens qu'André Manoukian ne connaît de philosophes. C'est Mélanie Bauer, bonjour. Oui, aujourd'hui, c'est la mécanique du couple. Si, c'est musical. Très bien. 17h30, celui que Politis qualifie comme le turbulent. Et c'est vrai, mais ce n'est pas de sa faute. Il est hyperactif de la contestation constructive. Maladie qu'il soigne en lisant Valeurs Actuelles, mais c'est dur. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors moi j'ai rendu visite à une start-up aujourd'hui qui récupère nos données personnelles pour aider les politiques à mieux nous cibler. Alors je leur ai demandé s'ils me considéraient moi plutôt de gauche ou plutôt de droite. Alors, il faudrait que je fasse tourner mon modèle. Là tout de suite je peux pas vous dire. Bon, a priori ils n'ont jamais écouté l'émission déjà. 17h40, j'aime sa duplicité. Celle qui aime la grande littérature et écrit dans le Parisien Magazine. Une façon noble de se mettre au niveau des autres qui n'est pas sans rappeler les chroniques brillantes de Madame de Sévigné dans Automoto Magazine. Bonjour Clara Dupont-Monod. Bonjour Alex. Vous allez bien ? Ça va, vous avez décrit quelqu'un d'ouvert d'esprit en réalité. De quoi on parle ? D'un roman sur la mer. Très bien, vous êtes ouvert d'esprit, je le sais. Allez, nous sommes accompagnés d'un référent de la République qui vient présider cette émission. Vous êtes né sous Pompidou, vous entamez des études de philo en 93 quand Édouard Balladur devient Premier ministre. Vous recevez deux Césars pour La Petite Lily de Claude Miller en 2004 quand George Bush est réélu, ce qui reste un mystère pour nous tous quand même. Et vous mettez en scène Les Contes d'Hoffmann en 2008 quand PPDA quitte la présidence de la grand-messe du 20h de TF1. Et vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes, allez-y, dites-nous, Julie Depardieu. Oh oui, oui, oui. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes... J'annule tout. Bonjour Julie Depardieu. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la marraine de la Fondation pour la Recherche Médicale. Tout à fait. Et je vais déjà tout de suite donner, parce qu'on a déjà envie de donner quand on entend ça. Moi, alors je vais tout de suite vous donner le numéro de téléphone pour faire un don. C'est le 0805 216 216 ou frm.org. C'est vrai que quand on entend Fondation pour la Recherche Médicale, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas à tergiverser, il faut y aller. Mais vous êtes l'une des porte-paroles, donc et la marraine cette année. Alors, quelle parole vous venez porter, Julie Depardieu. Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs ? Eh bien, je viens dire que de toute façon, ils cherchent. La Fondation Recherche Médicale, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas une maladie, c'est toutes les maladies et tous les malades. Et donc, apparemment, il y a des gros progrès sur au moins 150 maladies. Donc, de toute façon, je pense que c'est bien de faire avancer ce qu'on appelle le schmingblick, même quitte à, vous savez comment c'est la recherche, tu... Mais enfin, moi, je trouve ça vraiment primordial de donner à cette association, parce que, bon, bah, il faut bien que ça avance, vu toutes les saloperies qu'on respire. Non? Et ça ne va pas en s'arrangeant. Non. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on, pour parler en termes économiques, on capitalise sur l'avenir de toute façon, oui. En donnant à la fondation, oui. Pour la recherche. Vous essayez de donner plutôt des gros montants, hein. Ouais, il paraît. Des héritages. Il paraît, voilà, qu'il y a des gens qui meurent et, bon, bah, qui n'ont pas forcément d'enfants et qui, il y a beaucoup de legs. Très bien. Je préfère léguer à une association que de donner de l'argent à l'État en général. Parce que ouais, pas trop les impôts. Disent, voilà, ils se disent, moi je suis mort, mais il y en a peut-être qui vivront. Enfin, moi j'aime bien l'idée. Hein. Après, je peux pas, on peut pas forcer les gens à donner, mais je trouve ça vachement intéressant de donner pour peut-être nous dans pas très longtemps. Enfin, vous voyez, un cousin ou à tous nos auditeurs mourants. C'est intéressant de chercher quand même. Mais oui. Et justement, par exemple, voilà, Thomas Thévenoud, on sait qu'il est malade. Thomas Thévenoud, est-ce qu'il a donné pour guérir sa propre maladie? Mais je ne sais pas qui est Thomas Thévenoud. Ah, bah déjà, voilà, il a voulu donner, mais il avait perdu son RIB. Voilà, c'est un ancien ministre qui est resté 9 jours, il avait une phobie administrative. Pardon. Qui sait si la recherche médicale avance suffisamment, comme ça couvre beaucoup, beaucoup de maladies, la Fondation pour la recherche fait des recherches sur toutes les maladies, on pourra peut-être aller jusque-là. C'est ça qui est intéressant. Ouais, et puis qu'en plus, donc il m'a été permis de rencontrer un chercheur, vachement sympa chercheur, je ne me souviens plus son nom. C'est un speed dating, en gros. Non. Pour voir comment ça se produisait. Il cherchait sur des souris, des intestins de souris. Et il nous a dit quand même qu'il passait genre presque 50% de son temps à chercher de l'argent. Donc c'est quand même dommage d'avoir son téléphone en plus. Non mais c'est quand même c'est dommage. Donc il était vachement content d'avoir été... parce que la Fondation Recherche Médicale, il y a un espèce de gens éminents qui classent les projets intéressants ou pas. Mmh. Et lui, il avait été choisi par la Fondation, donc ça lui a permis, il dit, j'ai fait un petit peu passer autre chose que chercher de l'argent, du coup. Ouais. Vous voyez, c'est quand même. Et ces chercheurs, j'imagine qu'ils vous parlent de leurs préoccupations, qui est le manque de financement de la recherche, qui est un sujet qui revient tout le temps dans l'actualité. On a beau être sous un gouvernement de gauche, la recherche a toujours des difficultés. Bien sûr. Et ça, c'est, voilà, c'est la raison aussi de votre présence ici. Vous, votre don est aussi en temps, en voulant nous en parler. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'il vous a dit ce chercheur là-dessus? Il nous a dit que justement, il en avait marre de chercher de l'argent, qu'il était bien content et qu'il a dit qu'il était prêt d'avoir des traitements. Là, il travaillait sur la souris. Hein, donc, ouais. Mais alors, attendez, c'est pour guérir les souris? Non. Il cherche à les guérir, donc apparemment ça marchait. Ouais. Il disait que peut-être le traitement allait avoir lieu dans 4 ans. Ouais. Et quand on sent qu'on arrive tout près, mais qu'on manque de financement, c'est la frustration totale. Quoi. Ça il en parlait. Mais... Alex Vizorek a par exemple lui refusé de nager contre le psoriasis. Et c'est une vraie info. Mais parce qu'il est pour le psoriasis. C'est pas très très bien. Vous êtes dégueulasse. Il a cru que c'était un mouvement de droite. Non. Vous ressemblez à Roberto Alagna, vous êtes pas sympa. C'est vrai, je vais aller la prochaine fois. J'ai raté une saison, mais c'est vrai. Vous dites oui à tout et ça vous dit non. Ce que je trouve pas mal dans justement cette association-ci, c'est que ça chapeaute absolument tout. Et on ne sait parfois pas. On est très sollicité en tant que gens un tout petit peu connus, sans doute vous bien plus que nous. J'avais rien reçu moi. Alors ça m'étonnerait. Alors là, faites gaffe parce que votre boîte mail va être pleine dans une heure. C'est vrai qu'on a du mal à choisir sa maladie. Et voilà. Est-ce qu'on va pas faire des jaloux entre le cancer colorectal et la psoriasis? Et ben maintenant, on sait. On peut donner ça cherche pour tout le monde. Ouais. Voilà. Alors vous chez vous, dites-vous que vous avez bien de la chance de ne pas être sollicité pour nager contre le psoriasis. Alors justement, faites quelque chose aussi chez vous. Connu comme et c'est ça aussi être citoyen, imposer un acte. Alors je vais jouer pour les hôpitaux de Paris. On fait une grande soirée. Thomas VDB aussi le fera et ce sera au Grand Palais en juin. Voilà, allez taper. Parce que deux fois par an, je donne de mon temps pour le faire. Faites votre promo. Mais non, mais c'est contre. Non, moi j'irai. On le fait, c'est pas bien. On le fait pas, c'est pas bien non plus. Voilà. Oh, Roberto, calme-toi. Vous savez quoi, comment on a du mal à savoir pour qui on va voter? Eh ben, si aujourd'hui on votait, comme Julie Depardieu, pour la Fondation pour la Recherche Médicale, faites un don au 0805 216 216 ou connectez-vous sur frm.org. La Fondation pour la Recherche Médicale, la marraine, c'est Julie Depardieu. Elle est avec nous jusqu'à 18h sur France Inter. Golden brown texture like sun. Lays me down with my mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Alors ça, c'est pas du tout Beyoncé qu'on écoutera tout à l'heure, par exemple. Donc ah, je retourne ma feuille. C'est pas Hervé Villard non ah, plus, ouais, parce qu'on l'aurait reconnu. Hein, c'est qui? Bah, c'est les Stranglers. Du bah, évidemment. Ah, ouais, bah, bien sûr. Golden mais Lord, des fois, ça vient pas comme ça. Hein, et voilà. C'est vrai. C'est vrai. Hein, des fois, ça vient pas comme ça. Hein, non, vous avez pas entendu dire bim bim, c'est les Stranglers. Vous foutez, quoi. Vous avez des troubles de la mémoire. Hop, on fait un don. Et bien sûr, les gens vont chercher pour pas mélanger les chanteurs. À la Fondation pour la Recherche Médicale. Et on va nager avec les psoriasis. La prochaine fois, j'organise une grande natation pour toute l'équipe. Et vous, Julie Depardieu, vous allez mener l'équipe. Non, première pas ça à plonger. Non, mais d'accord. Julie Depardieu est avec nous. Voilà, j'étais une feuille à l'avant. Moi, déjà, j'ai un coup d'avance, je suis déjà à l'autre feuille. Hop. Voilà. Alors qu'en fait, c'est le journal de presque 17h17, Julie Depardieu, puisqu'il est 17h21. Mais vous ne suivez pas, allez, c'est parti. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. On commence par les titres. Une fondation américaine, The Appeal of Conscience, a désigné François Hollande homme d'État mondial de l'année. Oui, encouragé par cette distinction, François Hollande envisage de se présenter à Mister Univers. Kim Jong-un lance un speed dating national pour marier sa sœur. La chance. Même s'il me semblait que la règle du speed dating était de rencontrer la personne avec qui on allait coucher et pas la personne qui allait nous obliger à coucher avec sa sœur. Et des brèves, oui, j'organise un speed dating et j'ai pris les meilleures brèves. Et on commence par la gauche. Oui, après les recadrages, valse Macron. Après les recadrages, sapin Macron. Voici les recadrages, valse sapin. L'un était sur Public Sénat, l'autre, quelques minutes après, sur RMC. Peut-être qu'il faut toucher à l'article 2, parce que le dialogue, c'est ça, c'est d'être en finesse. On peut toujours le donc faire. Donc on peut toucher à l'article 2. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, mais la philosophie de l'article 2, la négociation dans l'entreprise, ça, on n'y touchera pas. On n'y touchera pas, et l'autre, il voulait bien. L'important étant donc la cohérence. C'est un édito, ça. C'est un édito, oui, c'était en collaboration avec le Huffington Post. Passons à ce prix remis à François Hollande par une fondation new-yorkaise, Homme d'État mondial 2016. Oui, et j'ai la suite du palmarès. Nicolas Sarkozy, écrivain de l'année. Mathieu Valbuena, cinéaste de l'année. Et Nabila Penseuse, évidemment, 2016. Loi travail à présent. Des manifestants ont organisé en Alsace une opération escargot. Oui, apparemment, simultanément, on aurait observé en Bourgogne une opération choucroute qui a moins bien fonctionné. Toujours en lien avec le blocage des raffineries, sachez que le terme siphonné n'a jamais autant été recherché sur Google. Oui, siphonné. Mais on ignore si c'est dû aux pénuries d'essence ou si c'est la stratégie des Républicains envers les voix du Front National qui est cherchée. Toujours politique, François Hollande se sépare de son actuel directeur de cabinet qui s'appelle Thierry Lataste. Exactement. Bah, normal, quand on est le meilleur chef d'État du monde, on n'a pas besoin de conseiller. Économie, une étude révèle que les patrons français sont loin d'être les mieux payés d'Europe. Et oui, entendant ça, Carlos Ghosn a déposé un préavis de grève qui pourrait être suivi par Carlos Tavares et qui, pour le coup, lui, déjà a un nom de syndicaliste. Changeons de sujet. Une nouvelle vidéo de l'association L214 dénonce les conditions lamentables d'un élevage de poules. Oui, Denis Baupin s'est dit choqué par la maltraitance des poules. Fait divers, une petite fille de 4 ans a été oubliée et enfermée seule dans la classe de son école pendant toute une journée. Toute une journée seule dans la classe, bah dites donc, on parlait du laxisme en matière d'éducation de Najat Vallaud-Belkacem, mais ben non, on s'est trompé, hein. Met les enfants au travail. La fête du pain a lieu jusqu'au dimanche 29 mai partout en France. Oui, elle pourrait se poursuivre entre les casseurs et les CRS dans les manifs contre la loi du travail. Bonne fête du pain à tous. International, Kim Jong-un lance un speed dating national pour marier sa sœur. Et oui, les prétendants doivent avoir servi dans l'armée nord-coréenne, faire 1m77 et disposer d'un physique avantageux. Kim Jong-un lui-même ne pourrait donc pas participer. Sport cyclisme, le Tour de France sera protégé par le GIGN. Oui, apparemment ce serait le RAID qui assurera la sécurité des pharmacies qui suivent le Tour. Terminons par une brève. Oui, une brève. Isère, il avait recouvert son cannabis de poivre et de cannelle pour tromper les chiens douaniers. Ah, mais il s'est fait prendre quand même. Bah oui, mais franchement, ça ne tenait pas la route. Se taper la Hollande pour ramener du pain d'épices, ça n'était pas crédible. Vous êtes sur France Inter avec Julie Depardieu et on va aborder avec vous le premier sujet parce qu'on s'est dit, comme vous êtes marraine de la Fondation pour la Recherche Médicale, un sujet actualité politique, pourquoi pas? Aucun lien. C'est la fin du compagnonnage historique entre la gauche et le monde culturel. C'est en tout cas la couverture de Télérama cette semaine. Les artistes sont en rupture et ils se demandent où se situe finalement encore la différence entre droite et gauche, si ce n'est au niveau culturel. Bon, en tout cas, l'un d'eux a la réponse. Écoutez. Moi, je suis pour une France qui gagne, une France ouverte, une France totalement de gauche. J'aimerais être de gauche, mais ça demande tellement de qualité humaine. Parce qu'on ne peut plus habiter à Saint-Germain-des-Prés, ni place, ni dans le 16e. On doit être prêt à collaborer avec toute l'injustice qui règne dans ce pays. Et on doit sacrifier sa petite existence personnelle, son petit plaisir en faveur des déshérités. Et tu te rappelles la phrase merveilleuse dans Flaubert, dans Bouvard et Pécuchet. Flaubert va voir un pharmacien et il dit « Monsieur le pharmacien, pourquoi vous ne donnez pas votre fortune aux pauvres ?» Et Flaubert écrit, et le pharmacien réfléchit et répondit, « Pas si bête, je la garde pour moi. » Fabrice Lucchini, bien sûr. Chez Nikos, notre confrère d'Europe 1, où il n'y a pas de raison à citer les confrères, surtout quand cette heure-ci, ils sont loin derrière, coucou. Alors, Je me dirais qu'elle avait une saloperie, mais tiens, c'est bizarre, c'est une gentillesse. Ça. C'est la une de Télérama, donc cette semaine, gauche et artiste, la rupture, parce qu'il y a une longue tradition entre les artistes, plutôt généralement de gauche, avec cette générosité de l'imaginaire, hein, typique de la gauche. Et la gauche au pouvoir, il y a donc une rupture. Alors déjà, ce constat nous donne une note intéressante, c'est que les artistes, donc le monde culturel, sont en phase avec la population finalement. En fait, vous êtes comme nous, c'est là que je me rends compte d'un truc. Oui, c'est sûr. Et moi, je vois de plus en plus, c'est vrai, de mecs qui votent, enfin, qui vivent comme des mecs de droite. Après, je sais pas ce qu'ils votent, mais de toute façon, il y a pas une énorme conviction chez nous non plus, apparemment. Enfin, pas chez moi. Connotez une couleur politique à votre travail d'artiste? Non. Ou ça vous ennuie plus qu'autre chose? Ouais, non, je pense que je connote pas, mais dans ma vie privée, c'est compliqué. Hein. Le dernier qui parle des fois, je dis « Ah ouais, ça peut arriver que je dise ça. » Et merde, je dis « Merde, c'est le contraire de ce que j'ai dit. » C'est vrai, vous avez déclaré « J'ai des convictions, mais elles changent tout le temps. » En fait. Ah ouais, moi je change d'avis. Vous discutez souvent avec Robert Ménard ou comment Non, mais non. Ne le faites pas. Non, mais on ne discute pas souvent. Clara Dupont-Monod, vous avez un mot à dire là-dessus, sur cette rupture entre gauche et artiste? Oui, parce que tel que Télérama le met en scène, cet article, en fait... S'indigner de ce qui se passe à Calais, par exemple. Il y a eu un appel comme ça avec des tas de d'artistes. De réalisateurs. De réalisateurs. Mais aussi et Yolande Moreau, elle avait fait un truc très beau. Un documentaire, tout à fait. Nulle part en France. Et c'était magnifique quand même. C'est dans la même veine, puisqu'il y a 4 mois et demi, il y a cet appel qui a été lancé, qui a été massivement signé. Et je m'étonne toujours de ce que s'indigner de ce qui se passe à Calais est catalogué à gauche. Mais on peut parfaitement s'indigner de ce qui se passe à Calais et même en général d'une situation affreuse sans être forcément de gauche. Donc je ne suis pas sûre que ça arrive moins quand même. Non, ce n'est pas vrai. Vous regardez l'appel justement qui a réuni d'abord 800 personnes et ensuite. Alors l'appel a aussi été lancé dans Libé parce que ces gens sont majoritairement de gauche. Et oui, mais vous regardez les premiers 800 signataires, il y a des tas de gens qui ne sont pas spécialement à gauche. Il y en a même d'autres d'ailleurs qui ont des positions qui penchent plus vers le centre. La gauche n'a pas le monopole du cœur. Non, c'est pas ça. Mais c'est l'idée que l'indignation n'est pas forcément politisée et peut-être que déjà ça part d'un postulat un peu naïf de penser que s'indigner d'une situation qui objectivement est inhumaine est forcément de gauche. Ouais, parce que signer un appel, ça coûte rien. Après, quand on leur demande de partager leurs richesses, là, ils vont plus être d'accord, les gens peut-être. De droite. Mais ça, c'est ça, en fait. Non, mais ça ne part pas de là. L'article, il part justement d'un appel qui serait signé par les personnalités de gauche. Et quand les personnalités de gauche regrettent que la gauche, en tout cas le PS au pouvoir, soit déconnectée du réel, ça, c'est quelque chose qui est audible parfaitement. On peut ne pas être de gauche et penser la même chose. Bien sûr. Mais moi, en fait, en ce qui concerne Calais, j'ai vu le documentaire de Yolande Moreau et j'ai toujours pas compris. Donc, j'ai trouvé ça superbe. Mais c'est quoi le problème? C'est aussi les Anglais qui bloquent, je sais pas quoi. C'est compliqué de comprendre le vrai problème, c'est quoi? Oui. Ces gens, ils veulent passer, ils peuvent pas. Et donc après, moi, je me permettrais, j'en sais rien de qu'est-ce qu'il faut faire, mais c'est juste la situation qui est complètement absurde. Après, je ne prétends pas avoir la solution. Non plus, rassurez-vous, voilà. Julie Depardieu. Une dernière question, ça vous arrive de croiser des politiques? Il y en a qui essayent d'un petit peu de vous récupérer pas loin de leur giron parce que... Non, mais j'habitais en face, figurez-vous, de Roland Dumas. Ah. De temps de Mademoiselle de Viejoncourt. Est-ce que vous avez des infos? J'en avais, il y avait un temps, il y avait des valses de voitures. Ah. Et une fois, je le croise à l'opéra. Donc je lui dis, dites donc, je ne savais pas quoi dire. Hein. J'ai dit, figurez-vous que ma chambre était en face de votre du truc de ministère des Affaires étrangères. Oui. Et j'ai failli dire, parce qu'il y avait des valses de voitures, pas possible. Mais c'est très beau, donc voilà ce que je lui ai dit. Non, je ne parle pas trop, ils s'en foutent un peu de ce que je pense, les politiques, je pense. Mais ils se foutent un petit peu des artistes aussi. Donc, ils ont d'autres préoccupations. Oui. Voilà. Alors, nous, on s'en fout pas des artistes, on les aime. Et Mélanie Bauer, elle se penche dessus aussi très régulièrement chez nous. Mélanie, c'est à vous. Julie, alors j'ai écouté avec attention ce matin en replay la longue interview que vous avez donnée au lendemain des Molières pour la matinale de France Musique. Une interview. Ah, j'étais pas réveillée, merci. Présentée par Vincent Josse, qu'on salue. Ouais. Une interview qui commence est-ce que je peux voir vos sous-vêtements? Oui. Ah, une demande que j'ai trouvée un petit peu bopinesque, voire sapinesque, pour débuter une émission à 7h du matin. Ce programme qui était à propos de votre concert lecture de samedi, correspondance romantique avec Charles Berling. Et qui a eu le Molière. Qui a eu le Molière. Et cet incroyable chef d'orchestre. Clément Mahotakat. Exactement. Donc c'est samedi, il s'agira donc de correspondance romantique de Clara et Robert Schumann. Et ça rigole pas du tout. Oui, ça rigole pas. Wagner, Nietzsche, Georges Sand, de Debussy, pour les musiques, c'est Brahms. Alma Mahler, qui était un peu éveillée. Alors, sensuellement. Alma Mahler. Des lectures que vous ferez donc pour le festival de Saint-Denis, pendant que votre conjoint, Catherine, enfilera lui son col en vert pour chanter vos ADN. À Rouen. Les bananes et le deuil à Rouen, en Normandie. Alors autant vous dire que le contraste est frappant. Et ouais. Et pourtant, nous sommes en plein romantisme. Vous avez embrassé le délire autobiographique de Catherine, plongé des deux pieds dans le scénario familial dès le film de Thierry Jousse, Je suis un no man's land. Avec un naturel éblouissant. Votre histoire a commencé comme une évidence, avec un pied de porc. Oh mon chéri, comment trouves-tu ce pied de porc? Oh ma chérie, je trouve qu'il est mort. On adore. On a envie de venir dîner chez vous. On aimerait tellement vous entendre en famille avec vos voix si naturellement chantantes. Expliquer à vos enfants comment on tient une fourchette ou le numéro du poulet posé sur la table. Alors, je me permets d'être si familière parce que moi-même, j'ai eu la surprise de voir la moustache de mon ex-mari virevolter au milieu d'escargots et de vos enfants avec Catherine dans l'espace pour célébrer le joyeux mélange de vos ADN. Oui, je raconte ma vie sur France Inter. Oui, parce qu'il se trouve qu'on connaît son mari. C'est le petit monde du showbiz. Le manager, l'ex-mari. Ça fait quand même un grand choc de voir son ex-mari voler au milieu des escargots. Mais si vous voulez, on prend une témoignage la prochaine fois. Car c'est ça, la magie de l'art. L'art, c'est comme les lunettes qui vous font aimer l'automate Olympia dans les contes d'Hoffmann, que vous avez d'ailleurs mise en scène avec succès, on le disait tout à l'heure. Ces lunettes qui créent l'amour, qui créent du romantisme, du beau, là où il n'y a pour d'autres que des mécanismes du quotidien. Tout ce qui chantait résonne. C'est plus votre monde, ça. Ah oui, complètement. Je ne reconnais pas la chanteuse, ça m'énerve. Mais mieux que votre couple aujourd'hui, au centre de l'actualité, on trouve deux génies de la mécanique du couple qui écrasent tout le monde. Ils font la une de tout, on les devine au travers du prisme des lunettes du show business à l'américaine. Ce sont Beyoncé et Jay-Z. Ils sont milliardaires et ils ont construit leur légende autour de leur amour, leur rencontre, leur enfant, leur compte en banque, tout est mis en scène jusqu'à l'ennui, car il faut l'avouer, nous, public insatiable, au bout d'un moment, on s'est lassé de leur bonheur. Et voilà, Tipa, que d'un seul coup, ils se battent. Le monde entier est abasourdi. Beyoncé, la féministe, accuse Jay-Z, le prince charmant du hip-hop, d'infidélité sur son dernier album Lemonade. Je suis le dragon crachant du feu, belle crinière, je suis le lion, bel homme, et je sais que tu mens, chante-elle avec Jack White. Une merveille de l'entertainment. Aujourd'hui, son Marie lui répond dans une de ses productions. Alors vous traduisez, en gros, il lui répond « Ton mariage vaut des millions, alors arrête de secouer la limonade, petite. Hein. » Bim. Bam, on va se calmer. Bon, c'est pas du Offenbach. Non, non. C'est pas votre trip, Julie Depardieu. Trop, non. Quoique, le talent incroyable de ces gens, c'est de nous vendre ces morceaux historique de leur parcours amoureux uniquement sur leur application de musique. Tidal, un énorme coup de pub politique, puisque Tidal défend la musique afro-américaine, un coup qui a propulsé en quelques jours cette application au top des applications les plus téléchargées aux États-Unis et au Royaume-Uni. Une dispute donc bien orchestrée qui serait pathétique si les chansons n'étaient pas des joyaux pop-musique. Et heureusement, elles le sont. Beyoncé, Don't Hurt Yourself, ses paroles sont magnifiques. Si tu me fais mal, tu te fais mal à toi-même, chérie. Wow. Et c'est quand même un très très beau morceau. Je vous propose de l'écouter. Beyoncé, Don't Hurt Yourself. Ah, Beyoncé, maintenant. Ouais. Beyoncé sur France Inter. Bah, pourquoi pas. Avec Julie Depardieu, qui est avec nous. Oui. Jusqu'à 18h. Après, la musique classique et Beyoncé. Voilà, nos coupes, de nos histoires, tout ça. Don't hurt yourself. Jack White, oui, superbe ce morceau. Yourself, merci Mélanie Bauer. On a écourté un peu le morceau parce que c'est pas la gamme de Julie Depardieu. Non mais pardon. Mais non mais c'est pas la. Mais il faut écouter jusqu'au bout pour savoir si on aime pas. C'est comme la nourriture. Il faut manger. Ouais, on n'était pas fan. On n'a pas été. Hein, Clara Dupont-Mono, c'est pas. Ah bah à côté de Goldman. Ah voilà. Je le savais. Pourquoi lui ai-je tordu la perche ? Je ne sais pas. Clara, elle a quand même un peu checké son bouti. Hein, j'ai vu un petit peu. Ah non, elle sait pas ce que ça veut dire. D'accord. Ça veut dire quoi ? Check le bouti. Ouais, check le bouti. Secouer son arrière. Son popotin. Remuer son cul. D'accord. Merci. Julie Depardieu. Dieu est avec nous, la marraine de la Fondation pour la Recherche Médicale. Et pour faire un don, il y a deux moyens, soit frm.org ou la méthode traditionnelle artisanale, le 0805 216 216. À ce moment-ci, Julie Depardieu, sur France Inter, c'est un moment qui est très attendu parce que c'est le moment pour la gratter de Guillaume Meurice, ça s'appelle Mozart, le moment Meurice. Le Mozart du micro. Oh, c'est ça, oui, c'est à peu près ça. Attendu par ses parents. Oh, ouais. Et que je salue, bien évidemment. Je vais vous parler d'une jeune entreprise aujourd'hui qui s'appelle Ligier Muller Ponce. C'est une start-up spécialisée en stratégie électorale. Donc c'est une start-up qui aide les candidats à prospecter leurs futurs électeurs en rassemblant le maximum de données sur chacun et chacune d'entre nous. Si vous voulez, c'est une sorte de Tinder, mais exclusivement axé sur la sodomie contrainte, puisqu'on parle d'élection. Hein, je vous le rappelle, j'ai donc rencontré ce matin le créateur de cette start-up. Il s'appelle Arthur Muller et il nous fait un petit résumé de ses activités. On est capable de savoir pour qui quelqu'un va voter rien qu'en connaissant son adresse. Alors ça, c'est un peu flippant, non? C'est un peu flippant, mais en fait, pas tant que ça. Si, c'est flippant, c'est flippant. Arthur, c'est flippant, parce qu'autant, bon, il y a des gens, on n'a pas besoin de connaître leur adresse pour savoir leur tendance politique. Je pense à Clara Dupont-Baudot, par exemple, on discute 5 minutes avec elle, et on sait hein, qu'elle est plus Gucci que Gramsci, qu'elle est plus Hermès que Jaurès, qu'elle est plus Versace que Le Che. Ne niez pas, Clara, tout le monde le sait. Mais quand même, le secret du vote est censé être protégé en France, donc c'est flippant. Mais bon, laissons Arthur nous faire une présentation de l'entreprise. Bon, ça fait maintenant 3 ans qu'on existe, on a fait des campagnes un peu partout en Europe. On a travaillé pour plusieurs grandes campagnes. La première grande campagne qu'on a faite, c'était la présidentielle 2012, où on avait travaillé pour François Hollande. Puis depuis, on a travaillé en Espagne. Ah, c'est à cause de vous, alors. Alors, c'est flippant. Ce sont des mecs qui sont capables de faire élire François Hollande à la présidentielle. Moi, je me méfie. Hein, ça, c'est des mecs qui sont capables de faire gagner Passepartout en saut à la perche ou de faire gagner Naomi Campbell à un concours de sosie de Michel Houellebecq. Il faut faire hyper gaffe avec ces gens-là. C'est flippant. Bon, alors, pour la campagne de Hollande, ils ont donc recueilli plein de données, hein, et puis comment ils ont fait? On a organisé une gigantesque campagne de porte-à-porte, donc 5 millions de portes en 2012 ont été frappées pour la campagne de François Hollande. Donc, est-ce que c'est pas une technique piquée aux témoins de Jéhovah, tout simplement? Ah, je sais pas si c'est piqué aux témoins. Nous, on l'a plutôt piqué à Barack Obama. Donc c'est des gens, ils n'ont pas grand-chose à y gagner à titre personnel, et néanmoins, ils sont prêts à venir devant votre porte pour vous raconter ce en quoi ils croient, et c'est ce côté... Ça, c'est précisément les témoins de Jéhovah. Exactement. c'est exactement ça. Et je vais vous dire, le projet de Jésus, à la base, il était quand même vachement plus crédible que celui de Hollande, hein, si on réfléchit bien. Je vous rappelle quand même que Hollande, il est monté sur une camionnette à Florange pour dire aux mecs que les emplois allaient être sauvés. Jésus, il aurait jamais osé dire un truc comme ça. À la limite, il aurait dit, moi, je peux vous changer l'eau en pinard, mais c'est tout, hein, maxi. Hein. Mais bon, ça, c'est parce que Jésus ne connaissait pas, évidemment, notre désormais fameuse start-up qui, fort de ce succès, travaille désormais avec Emmanuel Macron, qui, je vous rappelle, n'est absolument candidat à rien. Donc, ils ne font pas du porte-à-porte. Ah, ça, c'est une bonne vanne. Donc, ils ne font pas du porte-à-porte pour obtenir des voix, mais simplement pour obtenir les avis des gens. Et ça, c'est quand même beau. Précisons un petit peu cette idée avec Arthur. L'idée, c'était de faire un sondage, mais par des bénévoles, donc pas par des professionnels. Ah, il n'a pas d'argent, Macron? Oh, il y en a un petit peu, j'espère, en tout cas pour moi, puisque c'est mon client. Mais là, il est radin, alors, du coup. Les contraintes des partis politiques sont fortes en matière budgétaire, c'est extrêmement contrôlé. Ouais, et puis il est un petit peu ricrac au niveau thune, Manu, il est obligé de faire des levées de fonds pour demander du pognon à ses copains. Alors coup de chance, ses copains sont banquiers. Bon, ça c'est le coup de bol, mais ça suffira pas. D'ailleurs, s'il y a des SDF qui nous écoutent, il serait peut-être temps de se bouger un petit peu le cul pour aider Manu pour sa future candidature. Non, pardon, bah du coup non, pour sa future non candidature, hein, excusez-moi, le lapsus, hein, puisque ce qui l'intéresse, Manu, c'est avant tout les gens. Il a, je dirais, cette passion des gens, ce goût des gens. D'ailleurs, quel est l'objectif donné par Macron à Arthur? De repérer des quartiers en France qui, pris ensemble, soient représentatifs de la population française. Ah, mais alors, ça veut dire qu'il va avoir conscience de la pauvreté qu'il y a en France? Ça, je pense qu'il en a déjà conscience. Ah non, sinon il ferait pas cette politique-là. Ça, c'est pas à moi de le dire. Mais alors, ça se trouve, il va vraiment devenir de gauche. Vous lui demanderez. Grâce à vous. Vous lui demanderez. Ah bah alors là, on va suivre ça de près, oui. Hein, quand il va se rendre compte du nombre de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, il va forcément ne pas rester insensible, Manu Cœur de Lion. Alors, le problème, c'est que Manu a besoin de mandater une start-up pour se rendre compte de ça. Ça, c'est un vrai problème. Alors, est-ce que cette start-up ne serait pas un symptôme d'une lourde pathologie française, le fossé entre les citoyens et leurs dirigeants? Je ne sais pas si c'est un symptôme, mais clairement, c'est un constat aujourd'hui. Hein, que... C'est un symptôme de la maladie, si ça se trouve. Ouais. J'espère pas, mais j'espère plutôt être un remède qu'un symptôme. Oui, et ça me rappelle un furoncle qui me disait « Tu vas voir, on va finir par l'avoir, cette maladie de peau. Hein, » C'est le problème des organismes qui sont les intermédiaires entre le pouvoir et les citoyens et qui sont payés par le pouvoir, hein, qu'il soit politique ou économique, parce que cette start-up travaille aussi avec des entreprises. Pourquoi ? Pour justement avoir une meilleure communication auprès des riverains, les informer, écouter ce qu'ils ont à dire, mieux tenir compte de leurs préoccupations pour aménager le projet et s'assurer que ça se passe bien ensuite. Donc on pourrait dire qu'il n'y a quasiment pas de différence entre Emmanuel Macron et un yaourt? Moi, j'irais pas jusque-là. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vend des yaourts en porte-à-porte. Non, c'est vrai. Pas forcément des yaourts, mais toujours la même vieille soupe libérale périmée. Humoriste, une chute pour faire plaisir à Clara Dupont-Mono. Vous avez compris un petit peu l'antagonisme, le clivage politique dans cette bande. J'ai compris, mais j'ai survolé, hein, mais j'ai trouvé cette très, très, très appétissante. J'ai beaucoup apprécié, mais j'ai rien compris entre vous, hein, pardon. Non, mais ça, je s'est foutu de votre gueule tout à l'heure. Oui, toujours un peu. Bah, au bout d'un moment, c'est un amour contrarié. Voilà. Enfin, c'est surtout moi qui veux pas. Unilatéral. En fait. Allez, on continue avec Julie Depardieu qui est avec nous. On va aborder avec vous le deuxième sujet. Les articles qui évoquent le retour des anarchistes n'évoquent souvent que les casseurs. Pourtant, la disparition de Ciné nous a rappelé qu'il existe en France une tradition de l'anarchie. Plus ronde, plus rigolarde, libertaire, celle qui oppose la satire à toute autorité. Une sorte de way of life, quoi. Moi, j'ai toujours rêvé d'un monde meilleur, où le bonheur serait loi, où les soldats seraient troubadours, où l'anarchie serait comme une fleur qui pousserait dans les rues à la place du chien mort. Mais aujourd'hui, j'ai changé. Aujourd'hui, j'en ai rien à branler. Il est nul, ce Chapa. En Che Guevara, de Pacotti. Alors, l'état d'urgence a provoqué le retour en force des anarchistes, en tout cas dans les articles de presse. Tous ces articles nous expliquent, nous parlent en fait d'une certaine catégorie d'anarchistes, ceux qui vont avec la castagne en s'attaquant aux symboles de l'État, de la finance ou du luxe. Mais est-ce que la mort de Ciné nous a pas rappelé que les anarches, ça n'est pas que ça? Est-ce que vous, Julie Depardieu, vous avez un petit peu une vision de l'anarchie ou une culture aussi un petit peu héritée de, je sais pas, Choron, Ciné, Cavana, Charbe? S'il y a une culture comme ça, que j'étais un peu... Mon frère lisait sans arrêt ce que vous dites, L'écho des savanes, je sais pas quoi. Ouais. Il avait un petit côté anard ou pas? Bon, si, dans ma famille, ils étaient un peu comme ça, mais moi, ça m'empêche que dès que je dois voter, je suis vraiment pas quelqu'un qui a beaucoup de convictions, en tout cas politiques. Ouais. Donc, je n'ai aucun avis sur ça parce que je trouve ça génial que ça existe pour plein de gens, mais moi, je suis un peu rien. Indécise, mais pas anard pour autant. Alors. Non, mais je m'en fous un peu, quoi. Un peu dans mon... Vous voyez, je fais mon jardin... Je comprends. En revanche, vos convictions, vous les mettez dans... Vous êtes la marraine pour la Fondation Républicaine. Et puis c'est pas politique, mais elle est comment, cette conviction, alors? C'est une conviction beaucoup plus naturelle. Et par exemple, moi qui suis... Je vous dis, c'est pas mon truc, les rassemblements. J'adorerais, malheureusement, je sais pas. Même quand j'étais petite, il y avait des grosses manifs et nous, on n'avait pas le droit d'y aller parce que quoi? De Vaquet, Bon, j'y étais allée une fois, puis je sais pas, après, il y a eu un problème qui fait que j'avais pas pu y retourner, mais j'adorais pas ça. Vous regardez ça un petit peu comme un peu à regret en disant, oh là là, j'adorerais les manifester, ça me ferait des frissons dans le dos. Donc, je me dis maintenant, je voudrais faire des trucs beaucoup plus, voyez, là, je suis en train de faire un potager, je voudrais parler à mes voisins, enfin, des trucs comme ça qui sont pas spécialement politiques, mais qui sont... Non, mais c'est des... Voilà, qui sont des déjà... Actes de déjà des actes, voilà. Ouais. Mais le reste, malheureusement... Dans ces cas-là, on peut passer la balle à Clara Dupont-Mono qui a toujours un avis sur les anards, même anards de droite ou de gauche. Moi, j'adore les gens qui ont plein d'avis. Non, mais alors, je vous écoute. Non, c'est pas un avis, c'est juste une info, pour le coup, qui a existé, historique, mais il y a eu tout un courant littéraire merveilleux qui s'appelle les anards de droite. Mm-hmm. Même vite englobé, et dedans il y avait Antoine Blondin, il y avait Roger Nimier, mais quelque part il y a l'anard de droite, entre guillemets, c'est Claude Chabrol, c'est tous ces gens-là qui se méfiaient de tout, à commencer par d'eux-mêmes, qui étaient assez conservateurs mais qui détestaient le bourgeois. C'est un tempérament. En fait, c'est bien français comme tempérament. Oui, à remettre tout en question. Non, parce que en même temps, à remettre tout en question, y compris eux-mêmes, avec une espèce de mélancolie derrière, tout le temps présente. Et dans un édito au lendemain de la mort de Ciné, Laurent Geoffrin dans Libé rappelle qu'il y a un anarchisme populaire, allergique à la tradition, rétif à la nation. Il continue une tradition nationale, Ciné, une forme d'anarchisme populaire essentiel à la vie française, un remède à tous les conformismes, un précieux vitriol. Et pour que je vous cite de Laurent Geoffrin, c'est vraiment que. Là, il y avait un truc à dire, c'est que les anards, c'est pas que les casseurs. Et voilà. Clara Dupont-Mono. Charline Vanhoenacker. Eh bien, l'actualité, c'est tout ça, mais c'est aussi la conférence de presse donnée hier par Didier Deschamps, l'entraîneur des Bleus. Enfin. Et oui, pour apaiser le climat de Skoumoun, qui est lié quand même à l'Euro 2016. Donc, l'actualité, c'est aussi le football. Oui. Et c'est pourquoi nous parlerons de boxe. Car il est bien un sport qui se montre à la fois noble et primaire, qui est fidèle à ses principes de base, c'est la boxe. Je ne sais pas si vous pratiquez la boxe, Julie Depardieu. Eh bien, j'en ai eu fait, figurez-vous. Ah ben voilà. Mais non. Mais léger, vous êtes une personne de valeur. Voilà. Eh bien, justement, l'ancienne championne du monde de boxe, qui s'appelle Aya Sissoko, vient de publier un livre qui s'appelle Nba. Alors, Inba, ça veut dire mère en Bambara, parce que Aya Sissoko, elle a voulu raconter l'histoire de sa mère, qui s'appelle Massiré, qui est née au Mali et qui est arrivée en France à l'âge de 15 ans. Elle a fait la marche, c'est l'expression qu'emploient les Maliens. En France, Massiré a été prise en main par la communauté malienne. Elle s'est installée dans un foyer pour immigrés, lequel a pris feu, et visiblement c'était volontaire, et elle y a laissé quand même un mari et un enfant. Donc, Aya Sissoko, elle va grandir dans ce décor chahuté. Il a fallu imposer son existence dans ce grand désordre émotionnel. Et d'ailleurs, elle écrit « Pour dire je, il me fallait d'abord dire non ». C'est ce que j'appelle, vous savez, les enfants au point serré. Voilà, tout tourmenté comme ça, point serré. Et c'est le cas de le dire, puisque très vite, Aya partage sa vie entre sa boxe et sa mère, donc qui est contrainte d'élever seule ses trois enfants. Et elle y arrive. Massiré, elle y arrive parce qu'elle est intraitable. Chez elle, on ne transige pas avec les règles. Les garçons y passent à serpillière, et exactement comme les filles. Mais les filles doivent se marier avant d'apprendre la boxe. C'est une hérésie pour elle ce que fait Aya Sissoko. La porte est toujours ouverte pour le clan malien. Aya Sissoko peste en voyant passer tous les profiteurs, mais sa mère n'en démord pas. En gros, on ouvre sa porte au clan malien. Et en fait, cette mère, elle est exactement à l'image de la boxe que pratique sa fille. C'est-à-dire que cette mère, elle est rigoureuse, elle est dans le respect des valeurs et jusque dans l'épreuve, l'idée c'est que la douleur ne doit jamais modifier la politesse. À la fin d'un match de boxe, on étreint son adversaire, même s'il vous a vaincu. Et bien de la même façon, Massiré a quitté son pays, perdu ses proches, elle a été dépouillée de son argent, mais une règle, les souffrances ne doivent pas entamer le savoir-vivre. Elle se bagarre, elle est sans concession, elle esquive les coups du destin, une boxeuse. Et je ne sais pas si Aya Sissoko a mesuré du coup cela, parce que je ne la connais pas, je n'ai pas discuté avec elle, mais sa mère en fait est une vraie définition de la boxe à elle seule. Et c'est ça que je trouve merveilleux. C'est qu'en fait, quand un auteur écrit sur sa mère, très souvent, il y a des parallèles qui se mettent en place de façon souterraine. On a l'impression presque à l'insu des auteurs. Dans le livre de ma mère d'Albert Cohen, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, Julie Depardieu. Oui. Bon, eh bien, il raconte une femme très généreuse, trop inquiète, très excessive, exactement comme l'écriture d'Albert Cohen, qui est, comme par hasard, débordante, ardente, excessive. Enfant, pour profiter de sa mère, Marcel Proust repousse l'heure du coucher, mais comme il repousse la fin de la phrase. Et mais bien sûr. Et comment il les construit? Et loin, loin, il a repoussé. Mais exactement. Comment est-ce qu'il les construit en plus, ces phrases? Il se débrouille pour que les lecteurs y reviennent, bien sûr. On la relit, cette phrase. En fait, on a l'impression que le lien texte-lecteur est calqué sur celui du petit Marcel et de sa mère, puisqu'il y revient sans cesse à sa mère et qu'il a l'impression qu'il n'en a jamais fait le tour et qu'il n'arrive pas à la saisir. Donc vous voyez, la figure de la mère, elle provoque des jonctions au sein du texte entre la forme et le fond, mais aussi entre l'auteur adulte et sa propre enfance, puisque écrire sur sa mère, c'est organiser une réconciliation entre soi et soi. Et c'est ce que fait Aya Sissoko quand elle écrit « Je ne quittais jamais ma mère des yeux quand je lui disais non. Et par ce non, je voulais n'appartenir à rien ni à personne. Mais je suis la fille de Massiré d'Ansira. Elle m'a appris qui sont les miens et d'où je viens. » Et ben voilà. Je vous redonne les références. Oui. Nba d'Aya Sissoko est paru chez Calman Lévy et vous retrouvez cette chronique dans le Parisien Magazine, apparaît demain. Ça s'écrit N'BA. Voilà, et ça veut dire maman en Bambara. Et c'est vraiment bête que le lien avec l'actu ce soit Didier Deschamps, parce que aujourd'hui, Sarah Warumoun est devenue la première française à se qualifier aux Jeux Olympiques de boxe féminine. Donc il y avait vraiment l'actu en lien. Bravo Sarah, suivez la boxe féminine pour les Jeux de Rio, voilà. Sur France Inter. Bah oui, c'est le sport qu'on en parle. Oui, bien sûr, Julie Depardieu qui pratique la boxe, donc. Non, il fait 6 mois, il y a très longtemps. Ah d'accord. Un an peut-être. Alors j'avais peur. Donc il est quasiment professionnel. J'avais peur quand elle arrivait dans le truc là, dans le carré. Ah d'accord. Bon alors le troisième sujet, ça, on pourrait le résumer à belle en poubelle. Oui, ouais. c'est la haute couture du pauvre, s'habiller en sac poubelle. C'est un concept post-consumériste. Mmh. Alors est-ce innovateur quand on sait qu'un célèbre personnage a popularisé cette tenue en sac poubelle au cinéma? Eh dis donc, c'est Mardi Gras. Vous êtes déguisé comme au carnaval! Silence, la vilaine! Viens! Branche-la et va ton chemin! Tu vas nous faire prendre! Oh putain, Mazette! Allez! Vous êtes des vedettes de la télé? Chut, va-t'en! Je veux pas vous importuner, monsieur, dame, mais comme je vois que vous êtes du showbiz, est-ce que des fois vous connaissez pas. Élie Barclay. Silence, maman, tu vas prendre une claquade. Parce qu'en fait, j'ai une formation de danseuse, chanteuse, et... Et bah, si vous puissiez m'avoir une petite audition, ça me changerait la vie. Ben quoi, je chante, hein? Je chante pas plus mal que Steph de Monac. Marianne Chazelle dans Les Visiteurs. Alors, il y a un célèbre moteur de recherche allié à une célèbre marque de jeans qui travaille sur une veste connectée. Et dans le même temps, il y a un concept qui émerge de robe sac poubelle, c'est-à-dire un concept post-consumériste. Alors, sac poubelle ou veste connectée, Julie Depardieu, on en va où là avec les vêtements? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, moi je choisirais pour mon compte qu'est-ce personnel sac poubelle. Ah bah oui. Ouais. Parce que veste connectée, c'est quoi? Au donc secours. T'as internet dans ta veste, voilà. Ils savent où t'es, ils savent qu'est-ce que tu vas voter. Voilà. Vous pouvez consommer, acheter. Ils savent qu'à quelle heure tu vas faire pipi, c'est vachement important. Non, je suis pas, mais peut-être on y viendra et on sera super contente, mais là pour l'instant ça ne me fait pas envie. Vous pouvez gérer votre téléphone en touchant votre vêtement. Qu'est-ce qu'on... Je suis d'accord. Donc vous pouvez consulter votre texto, je crois, ou lancer une appli en fait en touchant votre vêtement. Et que si ton vêtement te réchauffe et te refroidit si t'as trop chaud. Dans le métro, alors fait comment? Ça va bugger, là. C'est parce qu'il y a 12 appels en même temps. Mais alors. Vous semblez créative en matière vestimentaire. Ouais, vous êtes colorée. Ouais, mais j'ai des vieux trucs d'il y a 1000 ans. Mais oui, c'est mais, un peu vous, vous, ouais, mais vous les mettez pas au hasard. Ouais, mais n'empêche que l'autre fois j'ai ouvert mon placard, j'ai ressorti un jupon qu'on m'avait donné il y a bien 25 ans. Donc le truc avait au moins 28 ans et j'étais vachement contente de l'avoir gardé. Quel est votre rapport aux vêtements? Je garde tout, je suis comme les vieux. C'est chiant. C'est-à-dire que, genre, vous avez pas besoin de ça pour vous. Enfin, c'est pas votre, votre manière de vous exprimer. J'ai des souvenirs dans un t-shirt, même s'il est moche, je le garde. J'habite pas en appartement, vous voyez. Donc je peux faire 2-3 cartons qui s'humidifient dans quelque part. Et on est content de les retrouver, disons. Mais après. Mais même pas parce qu'on n'ose pas les jeter. Non, j'ai un gros travail à faire. On m'a offert le livre japonais La magie du rangement. Donc, moi aussi, on a voulu me l'offrir. Quelle horreur. Et il paraît que c'est super, mais moi je n'ai pas commencé. C'est angoissant. Parce qu'il fait quand tu commences plus à l'arranger. Quand tu commences, tu arrives. Vous l'avez perdu. Non, il me regarde, mais je ne l'ai pas ouvert. Julie Depardieu. On a un truc tout à fait dans vos cordes. Ah, c'est bien pas entendu. Presque pas politique. Le sketch de fin d'émission. Je vous donne un rôle, Julie Depardieu. Si vous l'acceptez, vous êtes une des plus grandes chefs d'orchestre allemande et vous allez prendre en charge l'orchestre Nuit Debout. Et là, vous tombez sur trois virtuoses, Guillaume Meurice, Charline Vanhoenacker et moi-même. Moi, je suis chef. Vous êtes le chef d'orchestre. Attendez-moi, faut que j'accorde mon djembé là. Ah, et moi ma flûte à bec. Moi j'ai révisé l'intégrale de Michel Thor, j'espère qu'on va jouer ça. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Moi je n'ai pas quitté le symphonique de Berlin pour rien. C'est moi ou pas? C'est bah alors, Beate, tout le monde en place. Oulala, c'est la Stasi la chef d'orchestre ou bien? Et ici, c'est Nuit Debout, il n'y a pas de chef. Moi j'aimerais qu'on joue du Gérard Lenormand. Mais calmez-vous camarade, Hartung. Je vais donner le la. Ah bah non, ça m'arrange pas, mon djembé il est accordé en ré. Mais on s'en fiche, on est là pour rendre le monde meilleur. Oui, mais cela ne se passe pas obligatoirement par rendre la musique moins bonne. La musique est bonne, on pourrait jouer du Goldman. Non, on va jouer Beethoven, la 9e. Oh, je maîtrise même pas la première. Ok, bon, je vois le niveau. Wurst-Hirst, deuxième violon, je parle pas allemand malheureusement. C'était bien. Le deuxième violon, il s'est brûlé à l'atelier barbecue. Mais enfin, on n'en voit pas un violoniste griller des wurst. Pourtant, son archet était très utile pour remuer les braises. Scheiße. Hormis tam-tam, le pipeau et les chansons ringardes, qu'est-ce qu'on a comme autre possibilité? Moi je sais jouer Jeux interdits au didgeridoo. Moi je peux l'accompagner au triangle. Ne me dites pas que c'est pour moi les chansons ringardes. J'ai dit tout écrit jaja. Excusez-moi. Je crois qu'elle vient pas d'Allemagne en fait. Écoutez, demain. Demain soir, on a un prime. Prime, comment il peut dire ça? Prime, un prime sur France Musique. Du djembé sur France Musique. Mais on emmerde tous les primes de la Terre. Nous, on veut la tranche 3h, 5h du matin. Plus, sur France Musique, ils diffusent jamais d'écrivers. Arte, silence. Je crois qu'on a fâché Ruggieri. Vous devriez vous détendre. Je sais pas, moi, fumez là votre baguette. Allez, on chante la Ventura pour se détendre. Tout le monde aime Stone et Chardin, tout le monde. Nous n'arriverons jamais à jouer la symphonie du Nouveau Monde. Un Nouveau Monde, moi, j'en rêve aussi. Ça va être la cacophonie du Nouveau Monde. Mais on s'en fout tant que le monde est nouveau. J'abandonne, bide balde. Pourquoi vous dites ça? Faut pas être défaitiste, ma petite dame. Mais oui. La musique, normalement, c'est adoucir les mœurs. Nein, tout est stiff et tight. Julie de Depardieu, merci. Merci à vous. Formidable. Tombé dans le piège de la phrase difficile en allemand que même moi je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Allez, Julie Depardieu, je rappelle. Donnez à la Fondation Recherche Médicale. Exactement. Qui cherche pour tous et pour tout le monde, de peut-être qu'on n'aura pas, enfin, peut-être notre cousin. Et qui couvre la recherche sur toutes les maladies. Toutes les maladies. Allez-y, faites un, voilà, c'est simple, voilà. Faites ça un package. Ça ne veut pas dire que vous serez tous malades, mais c'est quand même bien qu'il y ait des traitements. 0805-216-216. Ou frm.org. Merci Julie Depardieu, merci à tous. Allez, on laisse le mot de la fin à ceux qui en ont marre. Il y en a marre, hein, mais marre. Hein. C'est pas compliqué parce que là, il y a un moment donné où, si vous voulez, c'est plus possible. Hein. On atteint des limites et là, à un moment donné, on dit stop.